Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Famaadha akhadna fi darsina al-akhir? Bismillah ta'ala al-Hakim. Na'am, akhadna ismallahi azza wa jalla al-Hakim. تذكر دليلا على هذا الاسم والدليل قوله تعالى إن الله عليم حكيم إن الله العليم حكيم لا إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم si tu as choisi le verset qui fait الحاشية فهكذا فما معنى هذا الاسم تفضل الاسم نعم فهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره donc deux choses حكمته نوعان في الخلق وفي الأمر فما معنى قوله رحمه الله وحكمته نوعان إلى ستلا بخمير الحكمة في خلقه نعم أن الله عز وجل خلق الخلق كله بحكمته العظيمة هنا ونادي الحكمة بمعنى الإتقان الشيخ سعدي رحمه الله il a cité quelques exemples et on avait lu ensemble من سورة الملك النوع الثاني الحكمة في ماذا تفضل في شرعه وأمره نعم في شرعه وأمره فما معنى هذه الحكمة تفضل نعم الشرع كامل لا نقص فيه هذا الشرع il est valable pour toutes les époques et pour tous les lieux قلنا نعم فحكيم في خلقه وحكيم في شرعه عز وجل فأنزل الكتب وأرسل الرسل بهذه الحكمة العظيمة les gens ils ont pas besoin d'autre chose لماذا لأن شرع الله سبحانه وتعالى est fondé sur الحكمة et c'est une législation parfaite لا نقص فيها c'est pour ça que ceux qui pensent qu'il y a des lois meilleures ou identiques فلا شك c'est du كفر عيادا بالله قال رحمه الله الحليم والدليل على هذا الاسم قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Et d'autres adillah. قال رحمه الله الحليم الذي له الحلم الكامل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le halim min asma'ihi al-halim et il est mawsouf bil hilm. Wa al-bayhaqi rahmatullah alayhi wa ghayruhu min al-a'imma a'arafu hadha al-ism bi-ta'rifin mukhtasar qalu huwa alladhi la yu'ajil bil-uquba huwa alladhi la yu'ajil bil-uquba هذا هو الحليم أي كما سيأتي معنا من كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه أن الله هو الحليم وله وصف الحلم c'est une صفة كاملة un attribut parfait والحلم بمعنى كما قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه الحليم بمعنى الذي لا يعاجل بالعقوبة لماذا؟ لأنه له الحلم c'est الحليم فمثلا واحد il fait des péchés il se moque de la religion il insulte Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il ne le châtie pas directement ça montre hilm azim vous avez remarqué que le hilm ça ressemble au sabr wa ism al-sabur Cheikh Sa'di l'a cité rahmatullah alayhi fi hadhihi risala wa fi thubutihi nazar ba'd al-ulama athbatuhu ba'd al-ulama et lam yuthbituhu on verra hadha inshaAllah fi mawdi'ih وعلى كل حال الحليم والصبور المعنى اللي قريب فالحلم الصبر la patience et الحلم ça ressemble à la patience فالله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة directement فكم من الناس يخالفون كم من الناس يشركون كم من الناس يذنبون combien de personnes ils font aucun effort في دين الله بل ils font des ma'asi ils font des péchés إلى آخره et Allah سبحانه وتعالى il les châtie pas directement Et هؤلاء ربما يتوبون. Et Allah, il accepte leur tawbah. Et ils n'ont jamais été châtiés. Là, في الدنيا et في الآخرة, ils ne seront pas châtiés. لماذا لأن الله عز وجل c'est le halim. Si tu as compris هذا, فكلام الشيخ سعدي va être plus clair. Inch'Allah. قال الحليم الذي له الحلم الكامل والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان. فتأمل هذا الحلم. هذا الحلم أن الله سبحانه وتعالى يشتي با directement. حليم. On répète, ça ressemble à la patience. Ça englobe Al-Kuffar ou Al-Fussaq et Al-Mubtadi'ah, Al-Munharifun. Et tous ceux qui font des mukhalafat, que cette mukhalafat fasse sortir de l'islam, amla, فالله سبحانه وتعالى حليم. قال ومنع عز وجل عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا. فقوله ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا. العاجل c'est directement. العاجل c'est après une certaine durée. C'est deux mots, العاجل والآجل. فالله سبحانه وتعالى c'est الحليم. فمنع عقوبته أي كثير من الناس ils méritent le châtiment à cause de leur mécréance, à cause de leur péché, à cause de leurs égarements. Et Allah سبحانه وتعالى il les châtie pas. بل il les laisse. لماذا؟ لأنه c'est الحليم. فلهذا هنا لفت دو لي ديليسي سي با دو نقص. فلهذا قال رحمه الله ولا يهملهم. الاهمال سي سا ressemble à oublier. لا الله سبحانه وتعالى اللي شاتي با با باسكو يا دو اهمال. لا الاهمال سي دو نقص. يا الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص والعيوب. الله سبحانه وتعالى يوبلي با سي تو. فقوله فهو يمهلهم. يمهلهم أي il leur laisse un temps. لماذا لأنه c'est le halim. Pourquoi? ليتوبوا. Afin que هؤلاء ils fassent التوبة. Et كم من الناس, كم من الناس معاصي بل كفر, la mécréance claire pendant des années, pendant des décennies ربما, ثم avant de mourir يتوب, il fait التوبة et Allah سبحانه وتعالى lui pardonne tout. حليم. Contrairement à l'être humain, beaucoup d'êtres humains ils manquent de hilm ou ils n'ont pas de hilm. Robama Wahid il lui fait quelque chose directement intiqam. Et la vengeance est Robama avec injustice. Wahid il lui a fait du mal et huwa, il ne répond pas par quelque chose de semblable. Là, il est encore plus injuste. Ama Allah subhanahu wa ta'ala fa c'est le halim. Qala wa la yuhmiluhum idha asarru. Et ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il ne châtie pas. Là, Allah subhanahu wa ta'ala il est shadid ou l'iqab. فالذين يصرون اي فلا في التوبه ويحاربون الدين فالله سبحانه وتعالى الشاتي كثير من هؤلاء في الدنيا اما سي مور سور لو ميكريانس عيادا بالله فلا شك ان الله سبحانه وتعالى الشاتي غالي كفار. قال واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا. الانابه سا رسومبل ا التوبه. هذا معنى الحليم. قال رحمه الله والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. On répète هنا, il faut bien prononcer يمهلهم. الميم il est avant là. Ama celui qui prononce wa yuhmiluhum, هذا c'est un تغيير, ça implique une معنى فاسدة جدا. لأن الإهمال c'est du نقص. C'est le fait de ne pas châtier لماذا à cause d'un oubli, on manque de temps. C'est ça l'إهمال. On dit مثلا فلان مهمل. Il n'est pas sérieux. Il oublie, il n'est pas à l'heure, il a إهمال كثير. Ça c'est في البشر. Bien lire wa yuhmiluhum بتقديم الميم avant الها. الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة. نعم. Malgré الله سبحانه وتعالى اللي غدن هذه النعم الظاهرة والباطنة. Et pourtant هؤلاء يفون دي معاصي. فتأمل حال اليهود والنصارى. Ils se moquent de la religion. Ils détestent la religion. Ils détestent notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Ils ne veulent pas croire. Ils font du mal aux croyants. Et كم من معاصي والكفر والضلال. Et مع هذا الله سبحانه وتعالى سي الحليم اللي غدن. Ils respirent, ils profitent de la pluie, ils mangent, ils boivent, ils ont des demeures, ils ont des enfants. Katir minhum, ils vivent en paix. Katir minhum, ils sont en bonne santé. Tout ça, c'est des ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré leur kufr, Allah ne les châtie pas directement. Et ba'dhum, Allah il les guide. Et ils rentrent dans l'islam et Allah il leur pardonne tout. Tout ce qui est passé avant comme kufr, wa ilhad, wa dalal, c'est pardonné. Indallah, s'ils font tawbah. Et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtie fi dunya. Et kathir minhum, ou ceux qui m'ont ala al-kufr, Allah il les châtie fi al-akhira. Wa asbara alaykum ni'amahu zahira wa batina. Zahiratan wa batina. Naam. هذا الكلام من التفسير. قال رحمه الله قوله والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة ونسيت الدليل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قوله الذي يدر أي الذي يعطي بكثرة الذي يعطي بكثرة أي يعطيهم بكثرة والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة أي بكثرة صحيح مع كفرهم ومع عنادهم الله سبحانه وتعالى اللغدن لماذا؟ لأنه سي الرحيم لأنه سي الكريم لأنه سي الحليم الله سي الغني إلا با بزوان دو لكن اللغدن بعضهم سيصغى أتل Et حقيقة c'est une rahma pour eux, même s'ils n'en rendent pas compte. Rubama, ils se remettent en question, ou avec le temps, yatoubun, ils reviennent. Il a le haq, et Allah yatoub alayhim, liannahu c'est le halib. Et ba'dhum, c'est min bab l'istidraj. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamoun. L'istidraj, ils pensent que c'est un bien pour eux. Et في الحقيقة, هذه النعم, ils auront des comptes à rendre. Et c'est un sabab pour qu'ils s'égarent encore plus, hatta ils oublient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtira avec un châtiment douloureux. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى سي الحليم سي الحكيم ويمكر بالماكرين si tu comprends toutes ces معاني tu arriveras à comprendre toutes ces situations بعض الناس ils comprennent pas مثلا يقولون pourquoi dans les pays musulmans on est touché par la sécheresse on est touché par les guerres par la pauvreté par beaucoup de choses Et puis, ils ont la pluie, ils ont la paix, ils ont l'akhir. لماذا لأنهم ils ignorent مثل هذه الأسماء العظيمة وهذه الأوصاف الجليلة. Ils comprennent pas هذا. Ils sauraient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le halim. Il fait ce qu'il veut. فربما هؤلاء, Allah il a une hikma, c'est le hakim. Peut-être qu'il veut qu'il fasse tawba. Et certains d'entre eux, ils reviendront. Donc, il ne les châtie pas directement. Il leur laisse un temps, c'est le hakim. D'autres, ils aiment couron. Et ils ont un inad chedid et Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bihim, il leur donne hatta ils oublient et ils tombent fi rafla à cause de dunya et le jour où haoula ils meurent ou Allah il les châtie fi dunya le châtiment ta'lamoun le châtiment après une ni'ma c'est très difficile celui qui se fait châtier après avoir goûté au confort à la paix à la sécurité c'est très difficile pour lui ala kulli hal celui qui comprend hadhihi al-ma'ani Il aura beaucoup de réponses à certaines questions que بعض الناس qui ne font aucun effort vers هذا الباب ils n'arrivent pas à comprendre. قال والله تعالى حليم عفو العفو سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. C'est lié اسم الحليم والعفو c'est lié لأن الحليم كما تقدم معنا الله سبحانه وتعالى laisse un certain temps aux êtres humains pour qu'ils fassent tawba وهذا c'est من عفو لماذا لأن هؤلاء méritent le châtiment et pourraient être châtiés directement لكن الله سبحانه وتعالى c'est le hakim c'est le halim il ne les châtie pas et ça c'est من باب العفو فلهذا هنا il a cité العفو أما اسم العفو il est ثابت bien sûr et inshallah سيأتي معنا قريبا قال فله الحلم الكامل وله العفو الشامل العفو ça ressemble au اسم الغافر والغفار أي celui qui pardonne قال ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين نعم لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن من عن العصا يعفو عنهم الله يبعدن au pécheur يبعدن à beaucoup d'entre eux et الحلم كذلك c'est lié au péché الله سبحانه وتعالى الحليم il laisse du temps à ceux qui font des péchés حتى يتوبوا قال والظلم المجرمين فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين. Vous avez vu هنا إمهال تقديم الميم. Et on a le deuxième mot إهمال. Et ça c'est هذا الفعل هذا الوصف لا يثبت عن الله عز وجل سيد نقص. قال وعدم معاجلتهم ليتوبوا. المعاجلة ça ressemble au mot qu'on a vu avant. عاجل عجلة أي c'est tout de suite directement. فالله سبحانه وتعالى laisse un temps à هؤلاء. Et ça c'est une rahma عظيمة. Et كم من الناس يزولي هذه الرحمة العظيمة من الله عز وجل. كثير من الناس on parle des مؤمنون avant d'avoir emprunté le droit chemin. بعضهم ils faisaient des graves péchés. بعضهم c'était pas des musulmans. Obama, ils auraient été châtiés à ce moment et ils seraient morts à la hadal hal. Ça aurait été très très grave pour eux. Et s'ils auraient été châtiés à ce moment, ça aurait été bihaq. Ça aurait été bihaq. Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl kama taqaddam ma'ana. Lakin min afwihi wa rahmatihi wa karamihi et kadhalik hilmihi azza wa jal annahu il laisse du temps. Et si ce abd il fait tawba, tout ce qu'il a fait auparavant c'est effacé. Ça c'est une ni'ma azima. كثير من الناس sont في غفلة. N'oublie pas هذا. Et هذا تستفيد منه جدا quand tu es touché par une épreuve, par une مصيبة, par un manque de santé ou d'argent ou autre. Si tu te rappelles هذه المعاني, tu dis Alhamdulillah, je suis في خير. Je suis في خير. J'ai pas été châtié, je suis pas mort à la luhal que j'étais avant. Alhamdulillah, Allah m'a laissé du temps, c'est le halim. J'ai pu faire tawbah, j'ai pu faire des hasanat. Même si je suis éprouvé par une certaine chose, كذلك c'est du خير. Peut-être que c'est pour que tes péchés soient effacés, peut-être c'est pour t'élever en degré. C'est un dars pour toi, c'est une leçon. À la kulihal, tu es fiché. Celui qui se rappelle de ces ma'ani, là, je sais que ça va l'aider. Khas satan avec l'imam, bi al-qadr, kama taqaddam kathiram. Qala, wa'afuhu yaqtadi maghfirata ma sadra minhum min al-dhunub. Khususan, idha ataw bi asbab al-maghfira min al-istighfar, wa tawba wal-iman, wal-a'mal al-saliha. Et non, وهذا إن شاء الله on le verra ensemble في اسم العفو. وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب خصوصا surtout لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc celui qui évite le shirk et il meurt على هذا الحال en tant que موحد même s'il avait des péchés Allah il peut lui pardonner. Allah il fait ce qu'il veut, s'il veut le pardonne, s'il veut ne le pardonne pas, il le châtiera par rapport à son égarement. يوم القيامة. فلهذا هنا قال خصوصا أما ceux qui appliquent l'asbab et ils sont sincères, Allah il leur pardonne. Et il a cité من asbab قال استغفار وتوبة وإيمان وأعمال صالحة. Et dans tous ces points on doit faire des efforts. لماذا لأن لأن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار. Et on n'est pas معصوم لا من الصغائر ولا من الكبائر ولا من الكفر. On n'est pas à l'abri des petits péchés, des grands péchés, de la mécréance. لهذا on doit faire des efforts في هذه الأبواب. الاستغفار le fait de dire أستغفر الله هذا الذكر العظيم c'est من أفضل الأذكار. Le fait de répéter souvent Al-Istighfar. Et celui qui fait de Al-Istighfar, Allah, il lui pardonne. Allah, il aime combien de péchés on fait par jour, par semaine, par mois. Et celui qui yukthir min Al-Istighfar, Allah, il lui pardonne. كذلك التوبة. وتقدم تقدمت معنا ما تقدم معنا ما يتعلق بالتوبة في اسم التواب. Bien sûr, والإيمان. والإيمان. أما الكافر المجرم, فالله سبحانه وتعالى, tant qu'il ne fait pas التوبة, Allah, il ne lui pardonne pas. والأعمال الصالحة كذلك هذا سيئ important. توبة استغفار توبة إيمان كذلك دي أعمال صالحة. الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى سي الله إلا قيدي الإنسان tout le تقصير qu'il a eu auparavant il doit faire des efforts. Celui qui réfléchit هكذا أن الله حليم il t'a laissé du temps il t'a permis de faire توبة il t'a guidé il t'a favorisé sur beaucoup de gens. Comment une fois que tu es musulman Allah il t'a pardonné. On ne fait pas comme certaines personnes عياذ بالله on n'a aucun شكر. Allah il est Ghafur Rahim et on est des musulmans, mais il n'y a pas un énorme changement. Il y a un changement en tant que musulman, mu'min, il a akhri, mais Al-af'al ou al-akhlaq, c'est beaucoup comme les ennemis de l'islam. On doit avoir du choukr. Allah nous a guidés vers nukthir min al-a'mal. Et on ne fait pas comme certains, iyadan billah, min al-ladhina labbas alayhim al-shaytan. Hum il dit là, hada c'est qu'une sunna. Est-ce que hada c'est obligatoire? Là. Ka'annahum, ils se sont axés, concentrés que sur l'obligation. Thumma, ils ont un part dans l'obligation. Thumma, iyadan billah, ba'dahum, il prétend de faqad, je suis un mu'min, et il ne fait plus rien. Hada c'est très très grave. On doit avoir hada shukr. Et on doit reconnaître al-khayr. Allah subhanahu wa ta'ala halimun, et nahnu kadhalik, on fait des efforts. قال وحلمه وسع السماوات والأرض فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة كما جاء في القرآن قال وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده نعم كما في حديث عائشة رضي الله عنها quand elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم un ذكر à dire في ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني قال ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه أو عفو نعم ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. Et ça c'est الثمرة. الله سبحانه وتعالى حليم. Et كذلك عفو غفور. فأنت bien sûr tu dois croire en ces noms, en leur sens, aux attributs d'Allah عز وجل. Et كذلك أنت tu dois faire des efforts. في par rapport à tes adorations et كذلك avec les autres. فلهذا قال ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. Et هذا سمن معاني العفو. إن شاء الله تعالى on essaiera d'éclaircir plus quand on sera arrivé à هذا الاسم بإذن الله عز وجل. قوله وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله أيمحو. الإسلام سيفاس تو من أسلم من دخل في الإسلام فالله سبحانه وتعالى il pardonne tous ses péchés. Il repart à zéro. C'est une ni'ma عظيمة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله يهدم أي يمحو الهدم سي détruire une chose c'est ça الهدم une chose qui s'écroule qui disparaît فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله أي الإسلام سيفاس تو celui qui rentre في الإسلام الله il efface tous ses péchés c'est une نعمة عظيمة قوله والتوبة تجب ما قبلها يا حديث في هذا لكن فيه ضعف أن التوبة تجب ما قبلها لكن يدي أحاديث في هذا المعنى ومبس تحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب لها الحديث بعض العلماء يحسنونه شيخ الألباني لحسن avec tous les versets tous les autres hadith qui montrent que celui qui fait التوبة الله lui pardonne tous ses péchés. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في النهج الأسماء un livre sur l'explication des noms d'Allah عز وجل il a cité آثار هذا الاسم أي par rapport au عبد اسم الحليم on répète الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة أي الله سبحانه وتعالى il est saint temps Il laisse une durée à l'insan, hatta il se remet en question, il fait tawbah, il délaisse ce péché. À l'insan, s'il a compris, hada, il va avoir des athar, azima, dans son qalb, et kadhalik, dans ses actions. Qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah, fa min al-wajib, ala man arafa anna rabbahu halimun, ala man asah, halimun ala man asah, ay Allah azza wa jal. L'insan, il fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il est halim. Il lui laisse du temps. Il ne le punit pas directement. أن يحلم هو على من أو أن يحلم هو على من خالف أمره. Si tu as compris أن الله عز وجل حليم فأنت كذلك. Si واحد il fait une faute معك خاصة s'il te demande pardon et même s'il ne te demande pas pardon il s'est trompé ربما كلمة ربما mauvais comportement معك ربما il a fait une faute claire avec toi, la tastajil. بعضهم يستعجلون ولا علم ولا حلم et pas de nasiha, pas de patience. Directement al-hadr, directement il critique son frère, directement plus de sourire. هذا لا ينبغي. Ton frère c'est un bachar. Aujourd'hui c'est lui qui a fait une faute, demain ça sera toi qui feras la faute. فالحلم خاصة entre nous. الحلم هذا لا بد منه. أما celui qui veut un frère qui ne fait pas de ma'as et qui ne fait pas d'erreur, فهذا il restera tout seul. On fait tous des fautes. بين مكثر ومقل. بعض الإخوان ربما ils ont des faiblesses, فهي s'énervent rapidement ou ils disent certaines kalimat, فلا بد من الحلم. Et كذلك ceux qui font des fautes et أحيانا ils ont un mauvais comportement avec leurs frères ou بعض الكلمات qui disent déplacer certaines paroles déplacées, لأخر كذلك هم ils font des efforts. Alors, si on fait des efforts dans les deux sens, celui qui a fait l'erreur et celui qui a subi cette erreur, cette injustice, si dans les deux sens on fait l'effort, Al-Akh qui a commis l'erreur, il essaye de s'améliorer. Il y en a son frère, il a patienté avec lui, il lui a pardonné, il a akhré. Et كذلك l'autre, même s'il refait une erreur, As-Sabr ou Al-Hilm. Khassatan, on parle, nous, fi umur al-dunya. Amma fi umur al-din, pas certaines choses là, la bout de min nasiha, la bout de min mouqif. Et ça y est, هذا معنا inshallah بالتفصيل dans notre second درس في تحفة الإخوان. Le comportement à avoir avec l'Usa, avec Ahl al-Bida' ou taqaddam ma'ana, le comportement à avoir avec le kuffar. Ah, ça c'est l'Illah Azza wa Jalla. Même si on se met en colère, c'est pas pour nous. Belle, vous avez remarqué que ces deux points, مثلاً, les injustices que tu subis par rapport à toi et les injustices que certains commettent par rapport au din, annahum ils sont injustes, annahum ils insultent, ils critiquent, ou Ahl al-Bida', annahum ils khalifent ila akhiri, tu trouves wa'd an-nas, vu que كثير منهم ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Enfin, leur énervement, leur wala, leur bara, c'est par rapport à leur nafs. Si wahid lui dit quelque chose de déplacé, il s'énerve, l'obama, il le hajar, sini. Quand c'est fidin illahi azza wa jal, il faut de la rahma, il faut du rifq ila akhri. C'est pas comme ça. Bel fidin illahi azza wa jal, on doit avoir un mouqif. Limada? Lianna, c'est pas toi. C'est pas toi le mizan. C'est pas toi que tu dois réagir par rapport à toi. واحد يفعل كل شيء ما لا الدين الله سبحانه وتعالى دين الله c'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il se met en colère par rapport au din. حتى on met des règles. هذا الدين ça devient pas comme الدين présent. هذا الدين والله الحمد لله محفوظ لكن لابد من أسباب. Pourquoi الآن dans beaucoup d'endroits il y a une mauvaise image de l'islam, image de l'extrémisme, image du ضياع, du laxisme, لماذا لأن هذا الباب العظيم il est pas appliqué. أما في أمور الدنيا فالرفق أي من في أمور الدين لكن في أمور الدنيا التساهل فيرم les yeux sur beaucoup de choses. في دين الله لا on peut pas fermer les yeux. دين الله عز وجل si un frère se trompe on peut pas fermer les yeux. لكن برفق en douceur, en nasiha, on lui montre, en patience. لكن fermer les yeux là on est obligé de montrer. أما في أمور الدين فالأمر سهل. Ton frère un jour il a dit une parole déplacée. بعض الإخوان ils notent tout dans leur cœur. Même une chez le frère, et ils prennent mal. Ce genre de frères, ils ont beaucoup de mal à fréquenter leurs frères, à pardonner. Les mains d'Aliana, ils prennent tout. Là, une kalima, il a dit aujourd'hui, fais comme si tu n'avais pas entendu l'amr. Si ça se répète et ça commence à être grave, montre-lui, il y a Akhi, là, il y a Mbari, et tu lui montres, Inch'Allah, le frère, il se corrige. Alhamdulillah, Tahina. Ammal Bad, une chose, elle est notée, elle est enregistrée, et khalas. Et Rubama, là, il y a Kulche. Et il change, et en tête, tu ne sais même pas trop pourquoi. Et Robama Hajre, ça dure, et Shaitan y rentre. Et après, c'est très difficile à les réconcilier. Quand tu viens chercher pourquoi, il m'a dit tel jour, tel mot. Ya Akhil Amrsa. C'est ton frère, rien de ta, tu dis pas des mots déplacés. On a tous du dhaf, on a tous du taqsir. Ça, c'est un tambih muhim. Al-Hilm, entre nous. Pas se précipiter à Wahad, il a fait quelque chose, khalas, il faut le. On parle khasatan fi dunya. Et hatta fi umur din, at-ta'anni. Celui qui se trompe, on lui montre. Billati ya ahsan. Et alhamdulillah, chaque chose a sa place. Si c'est un khilaf sa'ir fal amr sa'al, on montre alhamdulillah, tant que l'insan y suit un dalil. Si c'est quelque chose min usul din, on va insister, on va montrer que le sujet il est grave et on va avoir du rifq, hatta notre frère il revient. Hadha kadhalik c'est muhim dans les couples. Al-hilm. Limadha lianna, le couple c'est encore plus important. Lianna, c'est un couple. Et il y a des enfants. C'est pas comme un ami, Obama, il ne te parle plus, tu essaies, il ne veut pas te parler, l'amr, il est ahwan. Lakin, un couple là, ça peut aller très très loin, il y a des enfants, c'est fondé sur un aqd muhim. Vous connaissez tous l'importance. Et كذلك ان le couple, l'homme, il est souvent avec sa femme, ils vivent sous le même toit. Fais la chèque que tu entendras des choses. Et elle entendra des choses. La chèque que tu verras des choses, elle verra des choses. Et qui ne te plaisent pas. S'il n'y a pas de hilm, ayyadun billah, ça devient une vie très très difficile. Certains couples, ils ont une vie amère, ayyadun billah. Ils vivent, ils dhaïq, ils dhank, ils ta'b. Limada, l'ana, une chose, un mot, un geste, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Pourquoi? Et c'est un ta'b, là, l'amr seul. Bien sûr, avec des limites. Et l'insan, il s'améliore. Là, qu'il y a un regard, un geste, une kalima, fais comme s'il n'y avait rien eu, alhamdoulilah, tu verras que la chose qu'il a dit, il ne l'a même pas pensé. Comme il y a, ils disent des choses et ils ne les pensent pas directement. Il va dire une chose sous l'effet de la colère ou la parole elle est mal placée. 5 minutes, 10 minutes après, tu le conseilles, il te dit, mais là, la personne, je tiens à elle, il a réalisé, j'ai dit ça. Je suis un être humain, j'ai dit cette kalima, et on n'en parle plus. Mais celui qui vient tout noter, prend tout au premier degré, ça y est, on doit bien se rappeler de هذه المعاني. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le halim. Donc, on doit être reconnaissant. Et كذلك Allah, c'est le halim. On fait des efforts pour avoir هذا الحلم avec le bachar. وليس كمثله شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, له الحلم الكامل. Et notre حلم, c'est comme notre patience, bien sûr. On a des faiblesses, il a akhiré. قال الإمام القرطبي رحمه الله. فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم وكذلك يضبط يحلم الفعل quand il est مضارع قال هو على من خالف أمره كذلك نعم هنا أمره أي أمر الله عز وجل si واحد يخالف أمر الله لأننا نحن ننسيست في الدنيا لكن حتى si واحد يخالف أمر الله واحد يفي un péché واحد يفي المخالفة الحلم والرفق. On ne se précipite pas. C'est un mubtadi'. Il fait une chose très très grave, c'est un kafir. Même si c'est du kufr, là. Khassatan, si c'est un musulman et tu sais qu'il veut du khayr. Il peut faire du kufr par ignorance. Il peut faire du kufr, il s'est précipité et il n'a pas réfléchi sur la conséquence de ses actes. Fa'anta bihilm, tu lui montres. Ya fulan, ya akhi, yana, ce que tu as fait c'est grave, yana kada wa kada. Tu lui montres que tu veux son bien et tu attends le waqt al munasib pour lui faire nasiha et tu verras que beaucoup de haoula ils reviennent au haq. Qala fadhalika bihi awla hatta yakun haliman fayanal min hadha al wasb miqdar ma yaksir sawrat bi sukun al waw ghadabihi wa yarfa' al intiqam amman asaa ilayh. C'est ça le hilm. C'est ça, al-hilm. Tu fais attention à al-ghadab. Limadha li'anna al-ghadab, ça empêche d'avoir du hilm. C'est quoi qui aide à avoir du hilm? C'est le sabr. Le sabr et le hilm, la patience, c'est lié, c'est proche. Amma al-ghadab, ça peut couper هذا al-hilm. Limadha li'anna ceux qui se vengent, ou qui répondent directement, ou qui ne patientent pas, souvent c'est à cause de la colère. Il se met en colère, il n'arrive plus à se maîtriser. Rubbama, wahid, il lui a dit une chose, il le frappe. Ah là, il n'a pas de hilm. Il lui dit une chose et il dit le double. Celui qui patiente et qui arrive à contenir cette colère et qu'il ne pense pas qu'à se venger. Et ça c'est très très grave. Ça peut empêcher l'insan à faire des choses graves. Et rad as-sayi'a bi mithliha. هذا تقدم معنا c'est مشروع لكن الإنسان يسابيتو à هذا et il a pas de choses qui l'aident à patienter الحلم وكذلك يتفكر في العواقب هذا ربما il se fait du mal. Il veut répondre par une chose comme on lui a fait ثم يقع في الظلم. قال بل يتعود الصفح حتى يعود أو حتى يعود الحلم له سجية. تأمل هذا الكلام. بل يتعود الصفح. الصفح ça ressemble au afu. Il s'habitue à pardonner. حتى الحلم ça devient pour lui سجية. سجية c'est طبع وخلق. بعض الناس سبحان الله ils ont هذا الحلم سجية. Allah سبحانه وتعالى leur a mis هذا dans leur cœur depuis qu'ils sont petits, ils ont le حلم. Tu les vois يصبرون كثيرا. Sans faire d'efforts, ils sont comme ça. D'autres là. D'autres comme on dit c'est des sanguins, ils ont un tempérament. Une chose. Il démarre très très vite. Ah, ou là, il doit faire un effort. Et parmi les choses qui vont t'aider à faire des efforts, c'est ça. هنا أن تنبيه مهم أن الشيطان إليس يدكعت كثير من الناس عن هذا الحلم والصبر avec une shubha, il te dit, il te fait croire أن أنت tu es comme ça. كثير من الناس بتلو بهذا. Tu lui dis, أخي, il faut patienter. Il dit, là, أنا, je suis comme ça. أنا, je démarre directement. أنا, je me laisse pas faire. هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الإنسان doit faire des efforts. On le sait que tu es comme ça, la preuve, on vient te voir ou t'entendre. Ce n'est pas la question. La question, c'est essaye de t'améliorer. Va voir Adonès, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, je suis comme ça. Hey, je ne peux pas changer, c'est ma nature. Ah, là, c'est faux. Et voir Adonès, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, c'est notre famille, on est de famille comme ça. Comment ils se font beaucoup de mal? Shaitan, il lui fait croire qu'il ne peut plus changer. Evident. Votre famille, où tu es comme ça, change. Fais des efforts. Réponds pas directement. Calme-toi. Laisse du temps. Pense à l'awaqib. L'awaqib, c'est voir loin. Et tu verras que avant de dire une phrase, tu vas te calmer. Ton frère, il s'est trompé. Si tu laisses du temps, مثلاً, un de nous, l'un est d'une kalima qui n'est pas à sa place. Au lieu de, on lui tombe tous dessus, on laisse du temps. Troco, peut-être qu'il est énervé, il a quelque chose. Laissez-le. Il va se taire, il se tait, on finit notre dors. Le prochain dans ce repas, il revient, il s'excuse devant tout le monde. Il y a Ikhwan, la dernière fois, j'ai dit une kalima, j'aurais pas dû. Je vous ai blessé, j'ai été injuste. Pardonnez-moi. Rafallah oula, quand on est des frères, on n'en parle plus. Un est d'une kalima, l'autre une deuxième kalima, troisième kalima. On va aller voir l'autre, il va dire, non, moi je demande pardon, mais l'autre il m'a dit ça. On doit aller voir l'autre qui demande pardon, et ça devient un shaitan iran. Fantabihu li hada wa min ahsan. Man bayyana hadhihi al-ma'ani al-azima, en se basant sur des ahadith et kalam al-salaf, c'est l'imam Abu Hatim ibn Hibban, rahmatullah alayhi, fi rawdat al-uqala. C'est un kitab azim jiddan. Rawdat al-uqala. Al-Rawdah, c'est les jardins. C'est comme Riyad, Riyad al-Salihin. Rawdat al-Uqala, c'est les jardins. Et l'Uqala, l'Aqil, taqaddam ma'ana dans le dars président, l'Aqil. Vous vous rappelez le dars Cheikh Hamoud. Al-Aql ou Aqlan. Ma'ishi et Aql qui est fondé sur le Coran ou le Sunna. L'imam Abu Hatim, rahmatullah alayhi, Ibn Hibban al-Busti, dans son livre Rawdat al-Uqala, il montre dans 50 chapitres Sifat al-uqala, les attributs, les comportements du aqil. Al-aqil, c'est celui qui réfléchit, celui qui fait attention, le doué de raison. Il y a un kitab nafis. Et incha'Allah ta'ala, on essaiera prochainement de le résumer. C'est un mujallad mitla hada, 300 pages ou 400 pages. Et on essaiera de le résumer à la, comme on l'avait fait pour la ta'if al-ma'arif. Il y a 50 chapitres, si on arrive à faire un chapitre par jour, c'est un kitab jamil, jiddan sur le bon comportement. Maintenant, il cite chapitre al-hilm. Il cite un hadith du prophète, alayhi salatu salam, sur al-hilm, sur sobre, etc. Maintenant, il cite kalam salaf, Abdullah Mubarak, Abdullah ibn Mas'ud, sahaba radiyallahu anhum, a'immat salaf. Maintenant, il cite des vers de poésie. C'est un kitab jamil, jiddan. Et on doit donner du temps à hada. Vous avez remarqué que le bon comportement, c'est lié avec l'étude de Al-Asma wa Sifat. Il y en a ce bon comportement, c'est un amal, c'est une œuvre. Maintenant, Al-Hilm, c'est une œuvre. C'est une œuvre du cœur. Et cette œuvre du cœur, elle se voit sur les membres. Wahed, il s'énerve, anta, tu gardes ton calme. Wahed, il te dit une parole, tu sais que c'est ton frère, il tient à toi, il ne se maîtrise pas, il dit une parole, anta, tu as du Hilm. Tu vas attendre. Et Robama, tu vas lui dire, Inch'Allah, on se voit plus tard. Hilm. Il va revenir, il va s'excuser. Had al-Hilm, c'est quoi ce samara? Ça vient d'où? Emma, c'est une fitra fil insan, ça arrive. Badanas, ils sont créés comme ça. Patients, ils sont calmes. Emma, ça demande un effort. Et ce qui va t'aider, c'est l'étude des noms d'Allah Azzawajal et de ses attributs. Tu sais qu'Allah, c'est le halim. Et tu sais, c'est quoi? Sifatul hilm al-ma'na. Aïe. Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'aqib ala l'uquba. Directement. La yu'ajil bil'uquba. Anta, tu as compris hada. Donc, anta, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a laissé du temps, tu as fait tawbah, kadalek, tu as de la rahma et du hilm envers tes frères. C'est lié. C'est pour ça que lier, ou plutôt étudier l'aqidah, et étudier les bons comportements, c'est estafid jiddan. Amma, comme on l'a répété souvent, étudier que les bons comportements, et c'est pas fondé sur l'aqidah, robama, ce bon comportement, ça sera que pour les autres. Tu auras du hilm avec un, parce qu'il y a une maslaha ila akhirin, un miskin. Et ça arrive, vous l'avez déjà vu. Wardenes, ils ont du hilm avec les commerçants, les responsables. Il sait qu'il peut avoir une faïda. Il lui dit des mauvaises paroles et tout, il se tait. C'est pas un hilm qui est fondé sur hadhihi al-ma'ani al-'azima. C'est par rapport à ses poches. Il se tait, Obama, l'autre, il lui pardonne et après, peut-être qu'il va lui donner quelque chose. Tu le trouves avec un mendiant. ou un miskin dans la rue, il lui dit un mot, fayahjum alayh, il lui saute dessus, ka annahu madri ishfa'al. Amma celui qui a basé son comportement sur mitla hadhihi al-ma'ani al-'azima, wallah, avec le faqir ou un mas'oul, son comportement il est sawa. Pourquoi? Parce que ce hilm c'est lillah azza wa jal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadli. On a donné la référence de la parole de l'imam Qurtubi, an-nahj al-asma. Qala rahimahullah al-hamid, قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا شك في إثبات هذا الاسم ورد كثيرا في القرآن والسنة. قال الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فالله سبحانه وتعالى صف له اسم الحميد, اسم الحميد ثابت لله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله لا دمت خان الحميد هنا فعيل على وزن مفعول, أي الله عز وجل الحميد بمعنى محمود, الله الحميد بمعنى أنه محمود. c'est pour ça que الإنسان مثلا من المشروع c'est que يحمد الله سبحانه وتعالى. Quand il a fini de manger, ou fait al-adhkar, tu as souvent le dhikr alhamdulillah. L'insan yihmad Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna Allah azza wa jal c'est al-hamid. Et al-hamid c'est al-mahmoud. Qala, wa min al-af'al atammuha wa ahsanuha fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bayna al-fadli wal-adli. Wa hadha taqaddam ma'ana anna Allah azza wa jal il a les attributs parfaits. Et tous ces... Toutes ces actions, subhanah, af'aluh, elles sont fondées sur le fadl, l'ihsan, l'adl, l'hikma. Et tout ça, taqaddam ma'ana fi ism, al-hakam, al-adl. On a dit l'adl, c'est un wasf. Et kadhalik fi ism, al-hakim. Qala fi al-hamd, kathratu al-sifat, wal-khayrat, fahuwa al-hamid, li kathrat sifatihi al-hamida, wa huwa subhanah wa ta'ala hamid min wajhain. Deux catégories, pour bien comprendre hada l'ism. Ahaduhuma, أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات حمدا يملأ الوجود كله العالم بفتح الله العلوي والسفلي ويملأ نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء إن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة. فهذا لبخم يا حمد. أي أن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد. فكسس حمد الإنسان أو جميع المخلوقات. جميع المخلوقات كي الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى. كسس sur terre أو dans les cieux. كسس sur terre أو les océans. كسس dans n'importe quel endroit. فالله سبحانه وتعالى يستحق الحمد. Et qui c'est qui peut nous rappeler c'est quoi l'hamd? Taqaddam ma'ana fi tafsir surat al-fatiha fi ba'd al-durus. Ça veut dire quoi l'hamd? L'an Allah subhanahu wa ta'ala yastahiq hada l'hamd. Limadha li'annahu c'est l'hamid. Al-an il nous manque à savoir c'est quoi l'hamd. Man yadhkur, hein, tfaddal. Thana'uhu, ay thana'u l'abd. Thana'u l'abd. Il manque une chose. Hein? بمحبة وتعظيم. الثناء الحمد الثناء بمحبة وتعظيم. تقدم معنا هذا كثيرا, لأن الثناء بدون حمد ولا تعظيم c'est pas du hamd. Vous vous rappelez l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, أن بعض الناس ils font du ثناء. الثناء ça veut dire quoi? Ça veut dire citer les bonnes choses, les compliments. Et ainsi, dans quel dars on a cité هذا? On l'a cité في تفسير سورة الفاتحة فيما أذكر. Ou un autre. مهم. أن الشيخ بن عثيمين, il a cité l'exemple أن البعض يتنون مثلا على بعض الناس لكن من باب الطمع. Il va dire tel responsable, il est karim, il est jamil, il est قوي, il est شجاع, il est آخر. لكن il le déteste. ثناء. Il l'a complimenté. Il a cité des choses qu'il aime, لكن بدون محبة ولا تعظيم. Il le déteste. هذا c'est pas du حمد. هذا الثناء. أما الحمد c'est al-thana. Maintenant, nous on dit Allah c'est le qawi, c'est l'aziz, c'est l'hamid, c'est l'halim, c'est l'jabbar, c'est l'rahman, c'est l'rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, min awsafihi, on dit, annahu kada wa kada wa min af'alihi kada kada, tout ça, bi mahabba wa ta'zim. Et on aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on cite ces sifats et ces noms parfaits. Et kada ikbi ta'zim, wa na khaf minah. Et nous adzimuhu, limada, liannahu c'est l'akbar, c'est l'kabir, ila akhir. Fahada huwa alhamd. Thana'un bi mahabbatin wa ta'zim. Donc, هذا الثناء que toutes les créatures y font, Allah subhanahu wa ta'ala yastahiquhu. C'est Al-Hamid ay Al-Mahmoud. Vous avez remarqué que l'un de ceux qui fait le hamd, c'est le makhloukat. قال وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة أي المخلوقات. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Mahmoud, c'est celui qui mérite Al-Hamd. هذا c'est le premier معna. Et va citer des exemples منها. أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسد عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وصرف عنهم النقم والمكاره فما بالعباد من نعمة فمن الله نعم وما بكم من نعمة فمن الله ولا يدفع الشرور إلا هو فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات الحمد هذا الثناء العظيم قنفة الله سبحانه وتعالى celui qui nous a créé, celui qui nous a guidé, celui qui nous a donné, celui qui nous a facilité. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et il mérite هذا الحمد. Enfin, nous, maintenant, quand on mange min as-sunnah, c'est après manger, on dit alhamdulillah. On dit alhamdulillah. Limadha li'anna Allah azza wa jalla, c'est lui qui nous a donné ce qu'on vient de manger. Fanahmadu. Fanahmadu. Qala fa yastahiq minhum an yahmaduhu fi jami' al-awqat wa an yudnu 'alayhi wa yashkuruhu bi 'adad al-lahadhat. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup de adhkar avec Alhamd. Que ce soit après manger ou autre, beaucoup de adhkar. Awad al-ulama, ils les ont, bien sûr, ils les ont cités fi kutub al-adhkar. Donc ça, c'est le premier djouad. Wajh, an Allah yastahiq Alhamd. Le deuxième wajh, an yuhmad ala ma lahu min al-asma'i al-husna, wa sifat al-kamil al-ulya, wa al-mada'ih wa al-mahamid, wa al-nu'ut al-jalil al-jamila, falahu kullu sifati kamal. ولو من تلك الصفة أكملها كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى مثلا تقدم معنا الحليم له صفة الحلم فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا أنه لحليم أنه له صفة الحلم لا شك en tant qu'être humain on en profite أن الله عز وجل il nous laisse du temps pour faire التوبة قال وأعظمها فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ On a cité l'exemple avec الحليم لأن c'était dans notre درس وإلا si tu viens méditer الحليم نوم الحليم ثم الرحيم ثم الرحمن ثم الكريم ثم الغفور الغفار et tous les noms فلا شك أن هذا القلب de ce مؤمن qui va connaître ses noms et qui va méditer ça va lui donner envie d'être reconnaissant et yukthir min alhamd. قال فله الحمد لذاته وله الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة. الله سبحانه وتعالى tous ces أفعال ils sont fondés sur هذه المعاني العظيمة الفضل والإحسان. الفضل والإحسان si Allah guide quelqu'un c'est بفضله وإحسانه. Il a voulu du bien à ce عبد. Même si ce abd, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Robama, c'est un kafir, un mujrim. Du jour au lendemain, tu sens qu'il s'intéresse à l'islam, il se convertit. Fadlullah, il est wasi'. Qala, wa bayna af'ali al-'adl wa al-hikma. Tu trouves un autre, il meurt à l'al-kufr, très jeune. 20 ans, 25 ans, il fait un accident, c'est un kafir, il meurt. Il n'a pas fait de tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'hakim. L'hikma azima. Et, هذا الكافر سينما على كفره. Enfin, c'est de la justice. Allah, il n'a pas été injuste envers lui. Il a eu le temps de se convertir et il a rejeté l'islam. Enfin, il sera jugé par rapport à son égarement. Enfin, adlun wa hikma et fadlun wa ihsan. قال التي يستحق عليها كمال الحمد وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. C'est le درس d'auparavant. الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي. Et on a vu les différences. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala yastahiq alhamd ala shar'ihi wa ala ahkamihi alqadariyya wa ahkamihi alshar'iyya. Fanahmadu Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tous ces ahkam. C'est pour ça que si tu es touché par une musiba maintenant, fa min al-mashru' c'est que tu dises alhamdulillah ala kulli hal. Limadha tahmadu Allah subhanahu wa ta'ala? Limadha? Parce que ça fait partie de ces ahkam qadariyya Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et rubbama, il y a un bien pour toi, wala ta'lamu. Tu dis alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa'adhanas, ils ont du mal à comprendre. Pourquoi tu dis alhamdulillah, tu as été touché par une épreuve? On dit alhamdulillah ala kulli hal, et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Wa antum la ta'lamoun. Et l'insan, il se soumet, et ça va le reposer. Amma kathratul as'ila. Pourquoi? Comment? Ça t'atab. Et l'épreuve, elle est là, elle est là. Qala, wa ahkam al jaza fil oula, wal akhira. وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام صحيح الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد كله c'est pour ça que dans sourate al-Fatiha on avait expliqué قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد avec alif lam الاستغراقية أي qui englobe جميع المحامد قوله الحمد لله رب العالمين أي جميع المحامد لله. Et tu ne peux pas les compter, tu ne peux pas les dénombrer, tu ne peux pas les limiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala yastahiq kull alhamd subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, aujourd'hui on a étudié ensemble deux noms. Alhamdulillah ala ni'amihi azza wa jal. Naktafi bi hadha, et on passe à notre deuxième dars. Révisez, daiman, continuez. Wasbiru. Hadha al-ilm, ça demande du sabr. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il nous a facilité هذا الكتاب النفيس معاني سهله. Et en temps on répète la révision, l'essentiel tu connais le sens du nom al-halim ay alladhi la yu'ajil bil 'uquba, et تستفيد des فوائد qu'il a donné الشيخ سعدي رحمه الله عليه. Et l'objectif de chacun, ça doit être de mettre en application هذا. Allah il est halim, نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك نحن في دفع الله لحميد. لماذا سالحميد يستحق الحمد؟ لأنه سالكرياتور إلى آخره, ويستحق الحمد على خلقه أو أحكامه القدرية لأحكامه الشرعية. فتحمد الله. Tu es touché par une épreuve, tu dis alhamdulillah. Tu es touché par quelque chose de bien, tu dis alhamdulillah. Tu fais ta salat, tu dis من الأذكار après salat. Vous avez remarqué, il y a alhamdulillah. Et comme si tu viens à faire un bahth sur هذا, tu verras que alhamd il est cité fi munasabat azima. Et si tu as compris هذا المعنى, c'est استفيد.